c'est vrai. Le jour comme la nuit, aimer ta présence m'est indispensable. Tellement j'en souffre, quelque part je suis heureux. Parce que t'es la différence qui dérange, complice. J'y ai un mot soyez libre. Nayalo la kuna balobi mignon. Bolingo yango, elle est qui elle est. Écouterai, je t'aime sans détour. Yo zoua moté mananga na pesina yo l'amour. Yo pesa la locola, ngai wayo. Mpato sala ngai na yo lili heureux. Amour fou. Soki bolingo na yo ezambata na ndimi na koma litama.